Let's continue now with the next set of words and phrases. As usual, écoutez le français, puis l'anglais, le français encore, et ensuite répétez. Nous commençons. 20. 20. 20. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. La salle à manger. The dining room. La salle à manger. Prenez. Take. Prenez. Allez. Go. Allez. Le rez-de-chaussée. The ground floor. Le rez-de-chaussée. Important. Important. Important. Exactement. Exactly. Precisely. Exactement.